Zone libre. La libre antenne ouverte à tous et à tous les sujets. Est-ce que vous avez lu le dernier Astérix ? Non, je n'ai pas eu le temps de le lire. Vous avez entendu des échos Il est vrai que moi je trouve qu'une fois que les scénaristes, donc comme Goscinny ici, puisqu'on parlait d'Astérix, une fois que le scénariste quitte la BD d'une façon ou d'une autre, qu'il soit décédé qu'il arrête cette série-là pour en faire une autre, quoi, je veux dire. Oui. Ben à ce moment, l'esprit, les jeux de mots, etc., tout ça, on perd tout ça. C'est la même chose. Ouais. Au temple, ils ont fait un boulot magnifique pour les Black et Mortimer. Mais, vous trouvez ? Mais non, justement, mais point de vue dessin, je voulais dire. Ah oui, dire, ok. Hein. Point de vue texte de nouveau, etc., ça ne marche pas, quoi. Il peut y avoir un bon contre-exemple, style Spirou, qui à la base c'était Franquin, et puis ça a été repris par différents. Ça, c'est un très bon exemple. Moi, je n'aime. Maintenant, je n'aime plus aucun des deux Spirou. Parce qu'ils l'ont modernisé, quoi. Avant, c'était encore le petit groom sympa, quoi, etc. Tandis que maintenant, ce n'est plus une personne. C'est une... Okay. Un gars habillé en rouge. Ils n'ont plus tellement de. Ça perd en qualité. De personnalité, il manque de personnalité, je trouve qu'ils sont... Avant, c'était encore... Ça pouvait un peu virer de temps en temps vers de la science-fiction, quoi. Mais c'était encore plus ou moins avec les pieds sur terre, quoi. Maintenant, c'est des trucs... Vraiment, tout ce qui leur passe par la tête, moi, je trouve que... Mais souvent, c'est vrai que quand on a un bon scénariste, si celui-là disparaît, généralement... 070-233. On rappellera quand même qu'il y a des exceptions à la règle, puisque Spirou et Fantasio avaient été fondés par Rommel, repris ensuite par Jigé, et puis repris par Franquin, qui en a fait la merveille que l'on sait, mais en intégrant évidemment toute sa personnalité, ses personnages à lui, comme Champignac, le Marsupilami, etc., etc. Donc, bon, il y a des exceptions qui confirment la règle. On peut effectivement avoir une reprise qui soit plus magistrale que l'origine, que l'original, mais c'est pas vraiment la règle dominante. Alors, vos avis par SMS, j'ai rencontré Monsieur Uderzo dernièrement, je pense qu'il est simplement le maillon d'une lourde machinerie. Autre SMS, ouïouï, en voilà une question qui est difficile à propos du dernier Astérix. Je trouve qu'il était plus facile de répondre à la question « Est-ce que Dieu existe ?» Bonne soirée à tous. Merci Luc. Bon, ben oui, puisque c'était un des derniers débats de la zone libre. Alain, 44 ans, fan de la première et de la deuxième heure, je pense que leur dernière est arrivée. Je l'ai ouvert, feuilleté, refermé tout de suite et pas acheté. C'est affligeant. Gwen, mon libraire, Tropica BD à Charleroi, m'a conseillé de ne pas l'acheter malgré la machine à sous. Je l'en remercie. Et puis, dernier SMS pour le moment, il est évident que Astérix aurait plus de succès si Goscinny était toujours vivant. Les temps changent et les goûts aussi. On se lassera toujours. La BD vit avec son temps. Et puis, courriel, Nicolas de Namur, je voulais juste dire que comme beaucoup de monde, à mon avis, j'étais très déçu par cet album. Je suis un fan de BD, entre autres d'Astérix. Mais là, on se demande si on ne se fout pas un petit peu de notre gueule. À toi, Jacques, avec Fabio, qui n'est pas un de ces Romains qui veulent du mal à nos héros, etc. Oui. Donc, le voilà. Oui, Fabio, on vous écoute. Oui, bonjour. En fait, je voulais réagir un petit peu sur ce qui avait été dit au niveau du libraire de Bruxelles. Moi, je suis de la région de Mons, donc je suis un peu provincial et décentré, je vais dire. Ça veut dire quoi, ça, provincial, là? On n'est pas non plus dans la capitale où où les librairies foisonnent et où on vend des exemplaires, je pense, à Thierry Larigot, quoi. Moi, je voulais simplement signaler, je comprends qu'il est un avis pour et contre. Ben pour, parce que premièrement c'est un libraire et malgré tout il vend des BD pour manger, donc c'est normal qu'il soit un peu pour. Bon, contre, ben j'imagine que ça n'a pas l'intérêt de faire revivre un personnage dont le scénariste est mort ou bien même le dessinateur est mort, quoi. Moi je suis un fanatique et je suis fan vraiment de la première heure de Hugo Pratt. J'ai découvert Hugo Pratt avec Fable de Venise. Bon, ici on parle d'un prochain album que un de ses élèves va créer, c'est la même chose, quoi. C'est déjà fait avec les scorpions du désert. Oui, voilà. Je pensais plutôt dans le style Corto Maltese, mais apparemment il y a Vianello qui aurait un projet. Et quelque part, je trouve que c'est un peu du réchauffé, quoi. Pratt est mort, Corto Maltese est mort avec lui, ou bien alors Corto Maltese fera vivre Pratt jusqu'à l'éternité, quoi. Je pense qu'à partir du moment où l'auteur est mort, il vaut mieux. On fait déjà, je trouve, assez de publicité sur les dessinateurs eux-mêmes. On fait déjà tellement de livres sur eux-mêmes, sur leur vie, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils n'ont pas écrit, leur avis sur une chose ou sur l'autre, que ça ne sert à rien de créer des bouquins pour encore essayer de vendre encore plus et pour profiter quelque part aux héritiers, quoi. Et pas tellement pour que la bande dessinée, s'améliore, quoi, quelque part. Mais donc je pense que vraiment à un moment donné il faut arrêter, quoi. Il faut se dire l'auteur est mort, malgré cette envie de faire du fric toujours derrière et de créer des albums pour vendre quelque part, pas pour comme disait le libraire. C'est vrai que la personne qui, moi j'ai eu la chance de découvrir, comme je vous dis, Pratt avec Fable de Venise, c'est un enchantement, quoi. C'était il y avait tout, il y avait le dessin, il y avait l'histoire, il y avait la cabalistique, c'était vraiment magnifique. Le jeune qui aujourd'hui prend un Astérix, un nouvel Astérix, il va le lire, il va se dire non, finalement ça correspond pas à ce que j'ai envie, mais je vais retourner dans ma PlayStation et je vais continuer à jouer, quoi. Alors que là il avait peut-être le biais pour la créativité, pour l'imagination que d'autres moyens lui donnent pas, quoi. Mm-hmm. C'est un peu dommage, je trouve. Donc pour toi, que les héros meurent avec leur créateur, c'est plus sain comme ça. Oui, moi je trouve c'est une fin en soi, quoi. Je trouve que au contraire, je pense que au départ c'est l'auteur qui fait vivre le héros, et ensuite quand l'auteur meurt, c'est le héros qui permet justement cette pérennité à l'auteur, quoi. Et la boucle est bouclée, ça sert à rien maintenant de vouloir réinventer. Et comme l'a bien dit la personne juste avant, on sent que c'est du réchauffé, on sent que c'est pas la même personnalité, on sent que je prends un exemple, par exemple, je pensais maintenant en attendant un petit peu, c'est un peu comme James Bond, quoi. James Bond au départ c'est Sean Connery, après il y en a eu 5-6, ça n'a pas la même connotation, ça n'a pas la même valeur, je trouve, personnellement. C'est du réchauffé, c'est mm-hmm. Encore une fois c'est différent. Donc, tu n'es pas fan du dernier Astérix. Non, je suis pas fan. En fait, je suis pas fan de tout ce qui est réchauffé, quoi. Je trouve que quand l'auteur décède, c'est tout. On arrête là qu'au moins on ait une approche réelle de d'Astérix. Par exemple, quand on lit Astérix chez les Belges, et là on a vraiment l'Astérix, le vrai Astérix, quoi. Quand on arrive dans le dernier album, on sent que c'est un Astérix qui n'est pas très très original et qui les soit, du moins. Fabio, en tout cas, merci beaucoup de ton intervention. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Zone libre. Zone libre. La libre antenne ouverte à tous et à tous les sujets. Est-ce que vous avez lu le dernier Astérix? Oui. Et c'est plus Astérix. C'est plus Astérix. De quand on était plus petit, hein. C'est-à-dire c'était ce côté avec les extraterrestres. Moi, je trouve que ça dénote un peu dans la tradition Astérix. Et... Ouais. Je suis un peu déçu, moi, personnellement. C'est bien pour les petits-enfants, pour les enfants. Pour les enfants, c'est très sympa. Mmh. Mais pour les adultes, c'est plus ça, Astérix. Les adultes qui ont connu Astérix et qui ont lu Astérix étant petits et qui lisent maintenant Astérix, je trouve que c'est décevant. Vous trouvez que Uderzo aurait dû arrêter la série? Non, pas du tout. Ou alors... arrêter la série, non. Il y avait encore plein d'opportunités. Mais il y avait plein d'opportunités. En rapport avec l'histoire de l'époque romaine, qui plein de scénarios possibles. Moi, je ne pige vraiment pas qu'ils aient mis des extraterrestres. Non, moi non plus, vraiment. Et le fait que Goscinny ne soit plus là pour juste donner cet esprit, justement, est-ce que vous trouvez normal qu'une série continue malgré que les auteurs et les scénaristes ou dessinateurs disparaissent d'une manière ou d'une autre, quoi? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, je ne sais pas très bien. C'est devenu la loi. C'est comme ça pour un peu toutes les séries, hein, oui. Toutes les séries BD, c'est comme ça. Uh-huh. Vous trouvez que c'est normal? Style, par exemple, les Blake et Mortimer ou les Buck Danny ou autres Les Blake et Mortimer sont plutôt réussis, enfin, ceux d'après. Mais il y y a parfois des opérations de pur marketing derrière tout ça, tout le monde le sait. Et la BD, c'est du pur marketing, hein, finalement. Oui. C'est ça le problème à notre époque, hein, c'est que tout ça, ce n'est que du marketing et du commerce. Et, voilà. On perd le côté artistique. Je trouve, oui, de plus en plus. Même si certains albums sont réussis, comme c'est vrai, les Blake Mortimer, bon, ça va. Il y en a un qui était un petit peu moins bon, je pense, mais en général, c'est correct, mais bon, c'est plus Edgar P. Jacobs, donc quelque part, c'est plus la BD originale, quoi. On perd l'esprit, quoi. Oui, je trouve. 070-233-622. Encore une batterie de courriels qui viennent de tomber, dont on parlera pour certains d'entre eux demain soir à 19h, puisqu'on continue sur le même thème, le dernier Astérix, et puis plus largement, les héros doivent-ils prolonger leur existence après la disparition de leur créateur, Alexandre de Louvain-la-Neuve. Il ne faut pas confondre reprise mercantile et continuité. Les derniers Blake et Mortimer, par exemple, font l'objet d'une grande recherche et documentation de la part des repreneurs. Ben, c'est vrai que, effectivement, les repreneurs, qu'ils soient dessinateurs ou scénaristes, ont tous adoré Jacobs, respecte l'univers de Blake et Mortimer, donc il y a énormément de travail là-dessus. Cela posé, est-ce que Blake et Mortimer en Antarctique a vraiment la même magie que Blake et Mortimer en Atlantide, par exemple? Voilà. Bon. Et la machination Voronoff peut-elle vraiment être comparée à la marque jaune? Bon, cela dit, c'est vrai que... Bon. Oui, Alex? Et puis, autre courriel, où en sommes-nous? À mon sens, nous dit Philippe de Marcinelle, le problème se pose uniquement sur une base financière. À la mort de Goscinny Uderzo, le dessinateur, au lieu d'engager un nouveau scénariste, a préféré garder tous les droits pour lui. Quand on pense qu'il a interdit à Chabat de tourner un nouvel Astérix, car son film dénaturait l'esprit des albums, où en est-on avec ce nouvel album de BD? C'est une véritable honte. Et puis, Marc Reynolds a bien raison, mais à des échelles presque similaires, il se passe le même phénomène. On pourrait aussi demander au meilleur libraire de Bruxelles ce qu'il a pensé, comment il a non promotionné le quatrième cycle de Balade au bout du monde, une autre série culte. Et il est déjà temps de se dire au revoir. On se retrouvera donc demain soir. Je ne jette pas vos mails, bien évidemment. Ah, que et puis, non. Bah voilà, on a 24 heures pour cogiter à tout ça. Création ou marketing, that's the question. Dans quelques instants, on retrouve non pas Raphaël Charlier, mais Eric Willem.